Tu sais, sans toi je fais semblant. Les choses n'ont plus de sens. Tu me laisses pas le choix, donc je me recouvre de tous nos souvenirs. Tu sais, je ne regarde plus le temps. J'avance malgré les vents. Tu ne me laisses pas le choix, donc je me recouvre de tous nos souvenirs. Bien sûr, on me dit que je ne suis pas lucide, car je m'accroche à ce qu'on ne peut suivre. Je me demande bien ce que ça signifie, mais je me bandrai les yeux, j'en ai pas besoin, car je sais que tu me guides dans mes choix. Et lorsque tombe la nuit, permets-moi de te suivre, te suivre. T'as juste à le dire, oui, fais-le-moi savoir. Donne-moi un signe, je serai là. Donc je me recouvre de tous nos souvenirs. Tu sais, très souvent je te vois. Maudit soient mes songes. Tu ne me laisses pas le choix, donc je me recouvre de tous nos souvenirs. Bien sûr, on me dit que je ne suis pas lucide, car je m'accroche à ce qu'on ne peut suivre. Je me demande bien ce que ça signifie, mais je me bandrai les yeux, j'en ai pas besoin, car je sais que tu me dis.